Hey, donc, c'est ça. Je sais pas si vous êtes capable de me trouver ça. Des spots contre l'homophobie. Il semblerait qu'on est complètement tombé sur la tête. C'est un gros problème au Québec, comprends-tu? Pourquoi on est comme ça? Hein? C'est vrai qu'il y a sans doute des gens qui se suicident, qui ont été victimes de gens un peu belliqueux sur... parce qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle. C'est arrivé, ça arrivait il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça va arriver dans 100 ans encore. C'est ça, la différence, c'est comme ça. Peu importe ce que vous êtes, ce que vous avez de différent par rapport à d'autres, on a tous quelque chose de différent par rapport à d'autres. On a tous nos affaires où on peut se faire écœurer. Mais il semblerait qu'au Québec, un des gros problèmes, là, c'est l'homophobie. Ça, là, on va dire, d'après le ministre responsable de l'homophobie. Ah, je sais c'est quoi les pubs que tu parles. C'est mettons un gars qui arrive à l'aéroport puis il fait comme un bye-bye, il y a une madame pas un monsieur. Exact. La madame passe à côté puis il french le monsieur. C'est ça. Il arrive de vacances, ben il arrive d'un congrès. C'est un gros congrès, tu sais là. Ben j'ai reçu des messages là-dessus. Il y a des gens qui me disent écoute, Jeff, je suis pas homophobe, je suis pas anti-gay, je suis rien de ça, mais là tabarnak à heure les enfants écoutent la TV. Non, non, non, on n'a pas à fucker nos enfants. C'est pas généralisé l'homosexualité, c'est des cas uniques. Oui, il y en a beaucoup. Ils travaillent dans les boutiques. Vous allez dans les boutiques de linge, j'ai rencontré un gars, il a le bas des cheveux rouges. C'est sûr que quand il va venir, il va vous dire eh ben oui, c'est j'étais allé chez H&M hier ou avant-hier. Le gars vient me répondre, c'était clair, là, tu sais, il travaille dans une boutique pour psy, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Can I do for you? Ben, je le sais, là. Regarde, on est différents, puis c'est pas pareil à moi, mais c'est quand même exceptionnel. Sur le nombre de personnes que je rencontre dans une journée, c'est exceptionnel de rencontrer un homosexuel. Ça l'est tellement que je le remarque. C'est exceptionnel, le nombre d'homosexuels. C'est pas 30-40% du monde. C'est 2-3% du monde. Les jeunes, pour eux autres, on doit leur faire comprendre. Oui, on n'a pas à jouer. On n'a pas à les envoyer consulter mon chum Michel Lizotte qui les guérit si jamais ils le sont. Mais, on doit pas rentrer dans la tête de nos enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans que l'homosexualité c'est pareil comme l'hétérosexualité. Excusez-moi, là, non. Je suis contre l'homophobie, je suis contre le fait que on mette ces gens-là de côté, je suis contre le fait qu'on dise que c'est une maladie, je suis contre le fait que ce qu'on a fait depuis le début des temps, parce que vous savez, il y a des pays qu'on défend, il y a des dictateurs qu'on défend. Dans ces pays-là, c'est bizarre, hein? Les droits des homosexuels sont pas tellement respectés. Ah non, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de droits. Il n'y en a pas d'homosexuels dans ces pays-là. Tu sais, regarde, là, c'est une vraie joke, là. Mais je ne suis rien de ça. Mais là, il y a une crise de limite. C'est un peu pour ça que j'avais mon point sur le mariage gay. Mon point était, regarde, donnez-leur les droits qu'ils veulent, là. Arrangez-vous comme vous voulez, mais faites donc une différence entre le mariage traditionnel d'un homme et une femme qui vont avoir des enfants, qui auront une famille, puis que leurs enfants vont avoir des enfants, puis les enfants des enfants vont avoir des enfants. Comme ça, la planète va pouvoir continuer à évoluer. Il doit y avoir une certaine différence entre ce mariage et ce mariage. Appelez-le un nom, puis l'autre un autre nom, mais donnez-leur les mêmes droits, parce que dans le fond, c'est rien que ça qu'ils voulaient, là. C'est le fonds de pension qu'ils veulent, là. C'est tous les droits que le gouvernement donne à des couples qui sont unis, c'est ça qu'ils voulaient. Mais faites une différence. Montrez que quand je vais avoir des enfants, puis des enfants vont me dire, comment ça, papa, que toi et maman, vous êtes pas mariés, mais qu'il y a des hommes qui ont le droit de se marier? Je réponds quoi, moi, à ça? Ben, donc, on a décidé que le plus important, c'est la famille, c'est nos valeurs, c'est là qu'on les voit, c'est là que ça nous représente bien, etc., etc. Non, j'ai oublié de leur expliquer qu'il y a des hommes qui se marient, des gars avec des pinches qui se frenchent. Les enfants ont pas à affronter ça. Moi, on n'affrontait pas ça dans notre temps, dans notre jeunesse, puis on a eu à vivre avec ça, puis on a découvert c'était quoi l'homosexualité. C'est arrivé naturellement, dans le sens que il y a quelqu'un, à un moment donné, qu'on a connu, il l'était. On s'est fait, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, il touche, il mange des pénis. Voyons, il veut pas, c'est un gars. On a découvert, puis on a évolué avec ça. C'est sûr aussi qu'il y a des gens qui sont contre ça. Il y en aura tout le temps. Vous avez bien beau mettre des campagnes de pub à plus finir, c'est contre les valeurs de ces personnes-là. Et moi, sincèrement, m'en faire mon coming out, je suis limite, OK? Je suis juste sur le bord. Je l'accepte parce que je suis un être humain qui je me considère comme assez équilibré, même si j'ai mes défauts comme tout le monde. Je me dis que je suis assez intelligent pour comprendre que les libertés de tous et chacun, j'ai pas embarqué dedans. Donc, quelqu'un qui, par choix ou parce qu'il est né de même, il est homosexuel, c'est pas de mes crises d'affaires. Mais par contre, si bien, s'il se freine devant moi, ah, ça m'écœure. Ça, moi, vous le dire, c'est pour ça que je vous dis que je suis limite. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est pas que je veux pas aimer ça. J'aime pas ça. Il y a des gens qui me disent, c'est vraiment ça que le foie, t'aimes pas ça, toi, mais tu manges pas de ça, du foie. Non, ça me lève le cœur. J'aime pas ça, du foie. Quoi d'autre que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Moi, on appelle ça pas des moules, là, mais des ceux qui mangent, je prends ça que la tempérance soit des huîtres. J'aime pas les huîtres. Et vous savez quoi? C'est pas probablement le goût, c'est la texture. J'aimerais aller prendre des huîtres avec mon chum Jerry, de la vodka, écrit, à 2h du matin. J'adorerais ça avec un petit chip au vinaigre à côté. En 2h et 4h. En 2h et 4h. J'aimerais ça parce que j'aime la bouffe. J'aime découvrir. Chris, j'aime pas ça. Ça m'écœure. Ça m'écœure de pas aimer ça. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a des affaires qu'on contrôle pas. Quelqu'un est gay, puis on dit... Ben oui, mais c'est pas de sa faute. Il contrôle pas ça. Mais quelqu'un qui est mal à l'aise face à deux gars qui s'embrassent, c'est la même chose. On contrôle pas ça. Ça nous écœure. T'as bien beau mettre des campagnes de pub et mettre des spots à TV, t'as bien beau faire ce que tu veux avec ça, ça me passera pas. On aime pas ça. Ça veut pas dire que je l'empêche de l'être. Ça veut pas dire que j'y enlève des droits. Ça veut pas dire que je donne des droits aux autres de tirer des roches. Je donne pas des droits également aux autres de le battre. M'a décrié ceux qui font de la violence envers les personnes qui sont pas pareilles à eux. Voyons. Mais si vous me demandez si je suis à l'aise devant un spot à TV à 7h30 le soir alors que mes enfants de 8 et 10 ans écoutent la TV et qu'il y a des gars qui se frenchent, c'est non. Là, maintenant, il faut qu'il y ait une crise de limite, là. Wow, là. Tu sais, la grande acceptation, puis là, il faut que les jeunes comprennent, c'est de même, c'est en faisant ça qu'ils vont être plus ouverts, etc., etc. Arrêtez ça, là. Regarde, Jasmin Roy, qui représente tout ce qui nous énerve, là. Quelqu'un qui se sert justement de son orientation sexuelle pour devenir victime de tout, là. Son histoire, là, ça a marché, là. Son histoire, là, d'aller tout partout puis de dénoncer l'intimidation puis de dénoncer l'homophobie et tout, là, ça marche. Ça marche en joie le vert. Ça marche. Mes filles à l'école, ce n'est que ça. Là, maintenant, là, la minute qu'il y a une petite affaire de travail, là, qui fait pas l'affaire. Hey, ça, t'as pas le droit de me dire ça, c'est de l'intimidation. Chris, c'est intimidation partout. Il y a une fixation dans les écoles actuellement sur l'intimidation. Et comme c'est comme n'importe quoi, quand c'est too much, c'est too much. Quand c'est un sujet qui devient une maladie, c'est pas mieux. Mais l'homosexualité, vous savez ce que vous allez faire? Ce qui va arriver, là, c'est que vous allez reculer. Vous êtes comme rendu à un point. On l'a accepté, on a compris, puis les gens qui ne sont pas rendus là, puis qui ne le seront jamais, ils vont mourir à un moment donné. Puis leurs enfants seront moins pires que le père. Puis les enfants des enfants vont être encore plus ouverts. Mais tu peux pas demander à quelqu'un de 65 ans qui a toujours vu ça à travers un gars qui french un autre gars, ou d'imaginer que le gars se mange le pénis par l'autre avec un pinch. Lui, dans sa tête, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas qu'il veut que ça marche pas, point. Son fils est à peu près comme le père parce que ça tombe, la pomme tombe jamais loin de l'arbre, mais vu qu'il y en a de plus en plus dans les téléromans, puis on n'en parle, ouais, il finit par dire, écoute, ben, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne me touchent pas. Là, tranquillement, pas vite, ça va changer, mais c'est pas par des campagnes de pub. En faisant ce que le gouvernement fait là, je le vois par les commentaires que j'ai eus, des gens qui me disent, j'en ai un ami, là, qui est homosexuel, un bon ami à moi. Puis lui-même voit ça, l'homosexuel, puis il dit, voyons, calice, qu'est-ce que c'est ça? Ça va se virer contre, malheureusement, les homosexuels. Les gens vont avoir un ras-le-bol, ils vont avoir un trop-plein, ils vont dire, là, sacrement, ça suffit. Et ça va faire l'inverse de ce qu'on voulait avec la pub. Ça va faire l'inverse. Laissez-nous tranquille avec les gars qui se frenchent. On ne veut rien savoir. Puis si vous voulez présenter ça à TV, faites ça dépasser 10 heures. Dans leur histoire, anyway, ils veulent comme que montrer ça aux gens. Puis non, maintenant, si deux hommes ou deux femmes s'embrassent, faut pas soyez mal à l'aise le moindrement devant ça. Là, faut que vous. En fait, faut que ce soit absolument, entièrement normal que vous regardiez ça, fixez la TV, puis tout est correct. Si réellement ils voulaient arriver à ça, parce que peu importe, le jour où la pub finit, là, ça demeure la marginalité dans la population, là. Fait que c'est comme si, dans leur logique, faudrait que la pub, elle passe en permanence pour les 50 prochaines années, là. Oui. Ben oui.